Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Depuis ce matin, vous pouvez visiter au Petit Palais à Paris une exposition intitulée « L'art de la paix » qui présente les trésors d'archives du ministère des Affaires étrangères. Bonjour Franck. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblent les traités d'Arras ou de Paris, de Westphalie ou de Maastricht, et si cela vous intrigue d'avoir des documents aussi important, aussi rare sous les yeux, il faut, je le disais à l'instant à Elena, il faut que vous couriez au Petit Palais, pas loin d'ici, visiter cette exposition sans précédent. Je suis heureux qu'Isabelle Richefort, qui est conservatrice générale aux archives diplomatiques, ait accepté de venir nous en faire les honneurs cet après-midi. Et puis, ensuite, nous irons faire un petit tour dans les salons du Quai d'Orsay, ça s'impose avec un sujet pareil. Oui, mais avant cela, Franck, vous allez évoquer un des plus grands diplomates de l'histoire de France. Et oui, Aristide Briand, qui a été prix Nobel de la paix en 1926. Nous allons essayer de voir ensemble si c'était justifié ou mérité. Pardon, je me rends compte que mon expression est déjà fort peu diplomatique. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes en 1902 au Palais Bourbon et le député de Paris Charles Benoît est en pleine discussion avec Jean Jaurès. Soudain, il voit arriver un nouveau député socialiste. Tandis que nous causions, apparut dans une des portes une figure extraordinaire, dit-il. C'était un personnage qui paraissait avoir la quarantaine, mais qui la traînait avec lassitude. Tout le corps affaissé et démis, les jambes molles, une épaule haute, le buste un peu de travers, dont l'aspect entier disait le désordre et la fatigue. On ne découvrait que de plus près les yeux bleu-vert voilés de gris, tantôt clairs, tantôt sombres. Mais il y avait ses cheveux mal coupés qui faisaient ignace, la moustache épaisse, la bouche affreuse au coin tordu de laquelle pendait un vieux bout de cigarette. « Oh, fis-je, mais qu'est-ce que celui-là ? » Jaurès regarda et répondit « Ah, c'est un des nôtres !»« Je pensais bien que ce n'était pas le duc de Rohan, dis-je, mais encore !» Jaurès rétorqua « C'est le fameux Aristide Briand !» Ce fameux Aristide Briand aura été au cours de sa vie 22 fois ministre. Il passera d'ailleurs 7 années quasiment d'affilée au ministère des Affaires étrangères. Il a été 13 fois président du Conseil, autant dire un record pour ce régime. Les chansonniers de l'époque l'appelaient l'artiste brillant, brillant I2L, et de fait, il était plus que brillant malgré son allure pour le moins négligée. Il venait de l'extrême gauche, Aristide Briand, même si par la suite il va incarner une forme de compromis, ce qui pourrait le faire qualifier de centriste. Surtout, il a œuvré constamment pour une forme d'équilibre dans la paix, ce qui lui a donc valu de se voir décerner en 1926. Le prix Nobel de la paix. Les années 20, disons-le, ce sont les dernières de sa carrière. Ce sont celles où il prend toute son envergure, où il va donner sa mesure, se dépasser sans doute pour entrer dans l'histoire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le 27 juin 1919, ça c'est une date dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure, puisque c'est celle de la signature du célèbre traité de Versailles. Ce 27 juin 1919, Briand est chez lui, avenue Kléber, au 52 de l'avenue Kléber à Paris. Il a toujours une cigarette à la bouche, il faut l'imaginer presque toujours comme ça. Il est en train d'ouvrir son courrier et parmi les lettres, il y a un beau carton officiel le priant d'assister le lendemain donc à la signature du traité de paix entre les Alliés et l'Allemagne vaincue. Briand regarde le carton, le retourne, il réfléchit, mais en lui-même, il a déjà pris sa décision. Il ne se rendra pas à Versailles. Après tout, ce traité a été rédigé sans sa participation, même s'il en a voté la ratification. Aristide Briand est convaincu de son insuffisance. Ce traité donne l'illusion aux Français qu'il va apporter la sécurité en Europe, qu'il va permettre la reconstruction grâce aux fameuses réparations exigées des Allemands. Et surtout, le traité leur fait croire qu'il maintiendra longtemps l'Allemagne affaiblie. Seulement, Briand sait, déjà du simple point de vue de la diplomatie, il sait que la Grande-Bretagne Grande-Bretagne n'a pas l'intention de voir l'Allemagne végéter pendant trop longtemps. Il faut une Allemagne forte économiquement, ne serait-ce que pour ce qu'elle se trouve en mesure de payer ce qu'elle doit. Et puis, vous savez, il y a cette vieille tradition britannique de l'équilibre en Europe qui fait que, bien sûr que les Anglais ne se contenteront pas de cette situation. En 1921, Briand devient ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. C'était comme ça à l'époque. Hein. La présidence du Conseil appartenait à l'un des grands ministres du cabinet, comme on disait. On est à une époque d'assemblée très conservatrice. Hein. C'est la Chambre bleue horizon, issue des urnes du lendemain de la guerre. Il n'empêche que M. Briand se réinstalle à son bureau, si l'on peut dire, du Quai d'Orsay, puisqu'il l'a déjà si longtemps occupé. Il le connaît mieux que quiconque, ce bureau-là, bien entendu. Il en est parti 4 ans seulement plus tôt. Il arrive tant bien que mal à son bureau vers les 9 heures, nous raconte Raymond Escolier dans ses souvenirs parlés de Briand. Sur sa table, pas même une feuille de papier, ou plutôt si, quelques feuilles de papier à cigarette. Pas le moindre dossier, pas le plus petit rapport. Notre homme reçoit quelques visites, le moins possible. Durant ce temps, pas une note, mais aussi combien de cigarettes grillées. Le soir, il termine sa journée vers les 8 heures. Mais quel feignant, dit Raymond Escolier. Et c'est vrai sans doute qu'Aristide Briand est un homme nonchalant. Feignant, c'est peut-être beaucoup dire. Mais il est aussi, il est surtout doué d'une faculté de vision peu commune et bien sûr d'une éloquence rare. C'est un orateur exceptionnel. On dit de lui d'ailleurs qu'il a une voix de violoncelle. Sa conversation est toujours enjouée, elle est pleine d'humour. Il y a quelque chose de très particulier dans le regard de Briand, tellement intelligent. Vous savez, ce regard bleu-vert, un peu rieur. Briand est l'homme de la parole, mais aussi l'homme de l'action. Peut-être aussi celui du compromis. L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite, dira un peu plus tard un certain général de Gaulle. Briand se donne comme principe d'action de privilégier toujours la négociation, la persuasion. Il est l'homme du long terme et non pas de l'effet immédiat. Devenu donc président du Conseil, il va se trouver confronté à l'épineuse question du montant des réparations que doit l'Allemagne. Pour Briand, la position de la France, qui veut à la fois la sécurité, donc une Allemagne faible, et les réparations, ce qui nécessiterait une Allemagne économiquement viable, cette position est contradictoire. Est-ce que cette contradiction peut être néanmoins exposée, présentée aux Français? C'est très difficile parce qu'on est au lendemain d'une guerre tellement meurtrière, d'une guerre où l'on a appris pendant 4 ans à haïr l'Allemagne encore un peu plus. On la haïssait beaucoup déjà depuis janvier 1871, depuis qu'elle s'était constituée en tant qu'empire. Les Français ne veulent pas, bien entendu, d'une politique conciliante envers l'Allemagne. Et puis, il faut dire que les autorités allemandes, au même moment, sont de leur côté très mal disposées. Mais alors, me direz-vous, comment concilier l'inconciliable? Ah ça, pour y arriver, il va falloir s'appeler Briand, justement. Voilà, à propos de violoncelle, la suite numéro 1 pour violoncelle justement de Jean-Sébastien Bach sur Europe 1. Au cœur de l'histoire se poursuit dans quelques instants. Franck Ferrand nous ramène dans les années 20 et évoque l'homme politique Aristide Briand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aristide Briand est confronté, après la Première Guerre mondiale et la signature du traité de Versailles, à la question du paiement des réparations par l'Allemagne. Or, l'Allemagne fait face à des difficultés financières très importantes. Elle semble incapable de verser ses réparations. Quelle est l'attitude d'Aristide Briand vis-à-vis de l'Allemagne? Aristide Briand est connu pour sa politique de rapprochement franco-allemand. Alors, est-ce qu'il mène dès le départ une politique de conciliation? Dès le 24 janvier 1921, la conférence de Paris, qui est une conférence interalliée où les Allemands Briand, évidemment, n'avait pas été convoqué, ai-je besoin de vous le dire, dès cette époque, Briand va se prononcer pour une application stricte du traité, tandis que, en face, l'anglais Lloyd George serait pour un assouplissement des conditions imposées par l'Allemagne. Mais Briand, je vous l'ai fait comprendre à l'instant, n'avait pas vraiment le choix. Il va plutôt se montrer donc ferme à l'égard de l'Allemagne dans un premier temps. Et puis en mars, a lieu une nouvelle conférence, en présence cette fois des Allemands. Les Allemands font une proposition jugée ridicule, 30 milliards de marks or. Lloyd George est sidéré, il s'exclame « Il est temps de lever la séance, car dans 5 minutes, nous finirons par devoir de l'argent à l'Allemagne. » Les 5 minutes écoulées, Briand glisse vers Lloyd George sa montre qu'il a défaite, ainsi qu'un papier. « Voici ma montre, dit-il, il ne vous reste plus qu'à donner votre chemise. » Finalement, on va parvenir, un mois plus tard, à fixer le montant des réparations allemandes à 132 milliards. C'est un montant qui, bon gré mal gré, est accepté par les Allemands. Et ce n'est qu'à partir de 1922 que Briand, se jugeant en mesure de le faire, parce qu'il faut constamment prendre le pouls de l'opinion, bien entendu, c'est à partir de 22 que Briand va pouvoir assouplir un peu sa position. Jusque-là, il était ferme sur la stricte application du traité. Désormais, il va s'ouvrir à la proposition d'un aménagement de la dette allemande. Il s'agit non pas tant d'amadouer l'Allemagne, comprenez bien cela, hein, c'est l'essentiel de cette affaire, il s'agit surtout d'amadouer la Grande-Bretagne. Ce que Briand, par ailleurs, a très bien compris, c'est que l'Allemagne reste un pays incontournable, c'est la grande puissance centrale au cœur de l'Europe. Bâtir la paix en humiliant l'Allemagne, ça ne permettrait pas de constituer un état de paix durable. D'ailleurs, il avait ô combien raison. On paiera très cher pour l'apprendre un peu plus tard. Le président de la République de l'époque, c'est Alexandre Mirand. C'est un personnage intéressant, Mirand. Vous savez, contrairement à la plupart des présidents du Conseil de la Troisième République, il entend bien avoir voix au chapitre. Il a une position politique qu'il défend. Et en l'occurrence, il est très hostile à cette évolution de la position du président du Conseil. Ce qui fait que Mirand va finir par désavouer Briand, qui démissionne. Il a 60 ans à ce moment-là. Et pendant 2 ans, il va s'installer à Cocherel. Il vit une sorte de semi-retraite. Et il lit, il pêche, il fait du bateau à Ouistreham, lui qui a toujours rêvé d'être marin. Bien, bref, il vit en gentleman normand, si je puis dire. Sa carrière, pour autant, est loin d'être terminée. En 1922, par le traité de Rapallo, on a tous appris ça à l'école, l'Allemagne et la Russie renoncent à leurs dettes mutuelles. C'est un choc énorme, ça, pour les alliés, qui fait naître, évidemment, chez Briand et chez tous ceux qui ont l'esprit un peu vif, qui fait naître une grande crainte, et d'autant plus que l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises et belges à partir du 11 janvier 1923 va transformer la situation. La résistance passive des ouvriers allemands, les nombreux incidents que cette occupation va entraîner obligent finalement la France à se retirer de la Ruhr en 1925. On a envie de dire, c'était bien la peine d'aller jusque-là. Témoigne de l'échec du gouvernement français et de la politique d'humiliation vis-à-vis de l'Allemagne, cette sorte de désordre qui s'installe à cette époque au sommet de l'État. On se dit qu'après tout, Briand avait raison, qu'on aurait dû chercher plus tôt la conciliation. Et en 1924, Aristide Briand est désigné comme délégué à l'Assemblée Générale de la Société des Nations, cette SDN qui avait été créée par le traité de Versailles, à laquelle les Américains avaient finalement refusé de participer, vous savez. Il se rend donc pour la première fois à Genève, et là il va découvrir cette ambiance tellement particulière, j'allais dire tellement années 30, c'est pas encore les années 30, on est en 24, mais cette ambiance entre deux guerres, cette ambiance de la SDN. En avril 25, Briand est de nouveau ministre des Affaires étrangères et par la même occasion président du Conseil. Son premier acte politique en tant que ministre de la diplomatie, c'est la signature en octobre 25 des accords de Locarno. Qu'est-ce que c'est que ces accords de Locarno? Ce sont des accords par lesquels l'Allemagne reconnaît ses frontières occidentales que jusqu'alors elle se refusait purement et simplement à reconnaître. C'est un pas, si je puis dire. Il faut que de Locarno, se lance Briand, Une Europe nouvelle se lève. À l'esprit de précaution, de soupçon, doit se substituer l'esprit de solidarité, dit-il. Et la presse bientôt va se faire l'écho de cette volonté du ministre français. On parlera bientôt de l'esprit de Locarno. Ce sont ces accords qui valent à Aristide Briand le surnom de pèlerin de la paix. C'est évident qu'en France, ça suscite de l'espoir, et dans toute l'Europe d'ailleurs. Mais derrière l'euphorie demeurent de très grandes et de terribles incertitudes. Il n'empêche, Briand désormais va mener une politique d'apaisement et même, cette fois on peut en parler, oui, il ne s'agit plus seulement de se tourner vers Londres, mais on essaie bien de mener une politique de rapprochement franco-allemand. Briand se prononce même pour l'entrée de l'Allemagne au sein de la Société des Nations, dont elle était par nature exclue. Vous savez qu'on recommencera, entre parenthèses, en 1945 à San Francisco, lorsqu'on créera les Nations Unies, au moment de la Charte des Nations Unies, il n'y a pas l'Allemagne. Hein. On constitue les Nations Unies avec tous les pays qui se trouvaient ennemis de l'Allemagne dans les 5 mois qui ont précédé sa capitulation. Je ferme cette parenthèse. Donc, la Société des Nations, qui a toujours été considérée par Berlin comme un instrument des pays victorieux de la Première Guerre mondiale pour écraser et humilier l'Allemagne vaincue, eh bien cette Société des Nations accueille maintenant l'Allemagne en son sein. Comment pourrait-elle entrer néanmoins dans cette organisation, dans cet organe qui symbolise son humiliation ? Depuis quelque temps, un nouveau ministre des Affaires étrangères pilote les relations internationales de l'Allemagne. C'est un certain Gustav Stresemann. Vous avez forcément entendu parler de Stresemann. Lui aussi incarne de son côté un véritable changement, une volonté de pacification de la part de l'Allemagne qui jusqu'alors n'était qu'amertume et ressentiment. À moins que la position de Stresemann ne soit une manœuvre pour duper Aristide Briand. Vous pouvez bien sûr réagir et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité, aujourd'hui Isabelle Richefort, conservatrice générale du patrimoine des archives diplomatiques, sur Twitter avec le hashtag ACDH, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou encore sur europe1.fr. Bienvenue si vous venez de nous retrouver. On parle aujourd'hui du prix Nobel de la paix en 1926, Aristide Briand. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et avec vous, Franck, on évoque aujourd'hui Aristide Briand. Nous sommes maintenant en septembre 1926. L'Allemagne fait une entrée triomphale à la Société des Nations. C'est ça, c'est le moment, ce jour mémorable pour les délégations des 55 pays présents à Genève. Le retour de l'Allemagne dans le concert des nations, c'est exactement ça. Gustav Stresemann et Aristide Briand vont faire des discours qui sont passés à la postérité. La paix pour l'Allemagne et la France, cela veut dire, c'en est fini de la série de rencontres douloureuses et sanglantes dont toutes les pages de l'histoire sont tachées, lance Briand. Arrière, les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix. Et c'est un tonnerre d'applaudissements et le public a les larmes aux yeux. Vous voulez que je vous dise ce que sont en train de constituer Stresemann et Briand? C'est le premier couple franco-allemand, finalement. Alors, un drôle de couple, hein, très mal assorti physiquement, si je puis dire. Parce que vous avez d'un côté Stresemann, toujours tiré à 4 épingles, absolument magnifique, avec ses guêtres, etc. Et de l'autre, Briand, toujours aussi négligé, pour ne pas dire même carrément débraillé. Il n'empêche, c'est à eux deux que va revenir ce prix Nobel de la paix 1926. Et maintenant, on comprend pourquoi. Alors certains, bien sûr, dès cette époque, se demandent si Stresemann n'aurait pas abusé de la crédulité d'Aristide Briand. Vous savez que c'est Clémenceau qui, juste avant sa mort en 29, dira « Ah, Stresemann a roulé Briand ». Enfin, en même temps, Clémenceau était pour le moins buté sur ces questions. Ce qui est certain, c'est qu'après avoir reçu le prix Nobel de la paix, Briand va tenter d'aller encore plus loin dans cette réalisation d'un plein objectif de paix et de sécurité en Europe. Et en avril 27, il lance un appel au peuple américain pour la conclusion d'un pacte qui tendrait, tenez-vous bien, à mettre entre les deux pays la guerre hors la loi. On n'est pas très loin de l'utopie là quand même, forcément. le 27 août 1928 dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. On en reparlera tout à l'heure de ce salon de l'horloge qui est l'épicentre de notre diplomatie française. Dans le salon de l'horloge, les représentants des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Japon, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie de l'époque et de l'Allemagne, tous ces gens vont signer un pacte de renonciation à la guerre. Le fameux pacte Briand-Kellogg. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant de faire de grandes déclarations puisque concrètement, on n'a prévu aucune sanction. La portée du pacte, si vous voulez, est sur un plan juridique assez nulle. Mais l'enthousiasme créé par cette réunion diplomatique, l'enthousiasme est immense. On célèbre partout que la guerre a été mise hors la loi, la guerre millénaire mise hors la loi, disent les journaux de l'époque. Les noces spirituelles de Briand et de la paix. Est-ce qu'on y croit vraiment? Un an plus tard, le 5 septembre 1929, Aristide Briand monte de nouveau à la tribune de Genève, sous les applaudissements, sous les acclamations, et il va, de sa voix de violoncelle, prononcer un discours resté célèbre dans lequel il lance son idée des États-Unis d'Europe. Rien que ça. Une idée qu'il a reprise probablement à Édouard Herriot, entre nous soit dit. Et d'ailleurs, si on veut aller vraiment au bout de cette histoire, il se peut bien que le député-maire de Lyon, Herriot, ait lui-même emprunté cette idée au fameux comte Koudnov-Kalergi. Mais enfin, toujours est-il que les États-Unis d'Europe sont désormais une idée émise. Je pense, dit Briand, qu'entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. C'est ce lien que je voudrais m'efforcer d'établir. Vous imaginez, lorsqu'on reprend ça, tant de décennies plus tard, quasiment, enfin bientôt un siècle plus tard, c'est assez étonnant tout de même. Le grand projet est soutenu à l'unanimité des 27 pays signataires. Mais quelques semaines après, éclate la crise économique mondiale. Et oui, je vous ai dit, on est en septembre 29. Le krach boursier, c'est octobre 29, bien entendu. Après quoi, aux élections allemandes de 1930, 107 députés du parti nazi seront élus. Eux, à la faveur de l'invraisemblable inflation qui règne en Allemagne. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Pour Briand, c'est un échec. En tout cas, c'est un grand désenchantement. Tout est foutu, dit-il à l'un de ses collaborateurs qui vient lui apporter la nouvelle. Et le 8 janvier 1932, Briand va quitter le Quai d'Orsay. Il est très malade à ce moment-là. Il mourra le 7 mars, quelques jours avant son 70e anniversaire. On peut dire d'Aristide Briand qu'il aura consacré toute la fin de sa carrière à se battre pour la paix, pour la sécurité en Europe, avec sans doute beaucoup d'idéalisme, mais avec aussi, on ne peut pas le nier, un certain nombre d'éléments. Cette paix a fait des progrès effectifs sous le ministère de Briand. C'est vrai que les efforts en question se sont heurtés conjoncturellement à la crise économique de 29 et à la montée des extrémismes. Elle s'est heurtée probablement aussi à son propre irréalisme intrinsèque. Lorsqu'il s'éteint, Briand peut sans doute prendre la mesure de l'échec de sa politique. Et l'année suivante, puisque Briand meurt en 32, vous savez que l'année suivante, Hitler accède à la chancellerie du Reich allemand. Paul Claudel écrira en 1936 « Quand l'Europe a pris congé du bon sens, Briand a pris congé de la vie. » Bonjour Isabelle Richefort, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous avons beaucoup à évoquer parce que, au-delà de Briand, c'est toute la diplomatie millénaire de la France qui trouve à s'exposer en ce moment au Petit Palais. Europe 1, au cœur de l'histoire. Gagnat.com. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Briand comme Aristide, Briand aussi comme Franck Ferrand. Vous recevez aujourd'hui Isabelle Richefort, conservatrice générale du patrimoine des archives diplomatiques. C'est décidé, je vais me laisser pousser la moustache dans les jours qui viennent. Bonjour Isabelle Richefort. Donc, c'est quand même intéressant de voir que la diplomatie française a atteint une sorte de plénitude dans un moment où l'Europe allait très mal. Et Briand en est incontestablement l'incarnation. D'ailleurs, on voit le pacte Briand-Kellogg hein, dans l'exposition du Petit Palais. Bonjour Franck Ferrand. D'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité à cette émission pour présenter notre exposition sur l'art de la paix. Alors, comme vous l'avez dit, Briand a été un des grands personnages de la paix de notre histoire récente. Et comme vous l'avez bien expliqué, il a essayé d'opérer un rapprochement franco-allemand au lendemain du congrès de la conférence de la paix. Alors, vous parlez du pacte Briand-Kellogg, mais alors, vous avez parlé également du traité de paix, paix de Versailles. C'est un grand absent de notre exposition, puisque, comme vous l'avez dit aussi, ce traité avait été très très mal perçu par les Allemands, qui du reste avaient été exclus des négociations. Un traité d'humiliation pour l'Allemagne. Voilà, exactement. Et ils ont pris connaissance de ce traité tout à fait à la fin, et n'ont pratiquement pas eu leur mot à dire. Alors, évidemment, ils l'ont conçu comme un diktat, notamment Hitler, qui n'a eu de cesse, lors de l'invasion allemande, lors de la Seconde Guerre mondiale, que de le récupérer. Alors, ce traité avait été récupérer le document français. Puisque la France était dépositaire du traité de Versailles, c'est-à-dire qu'elle détenait l'original et les ratifications. Alors, mes prédécesseurs avaient bien pris soin d'évacuer ce traité, de le mettre en sécurité. Et en l'occurrence, il était au château de Rochecotte, à côté de Tours. Mais là, il a été vite retrouvé et emporté en Allemagne. Malheureusement, il a disparu. Ce qu'on possède aujourd'hui, c'est un fac-similé, en vérité, hein, c'est ça? Alors, nous avons une épreuve avant impression, revêtue de la signature d'un certain nombre de plénipotentiaires des différents pays. Et puis, nous avons les ratifications, c'est-à-dire les confirmations par tous les pays qui avaient pris part au traité. Et donc, il y a par ailleurs le traité de Sèvres, le traité de Saint-Germain. Ça, on les a conservés, ceux-là, en fait. Hein. Alors, on n'a pas conservé le traité de Saint-Germain. On a conservé le traité de Sèvres et le traité de Lausanne. Alors, ces traités, évidemment, étaient encore lisibles, si je puis dire. On va voir ce que sont devenus les traités depuis quelques années. Ça prend des proportions gigantesques. Ce qui est amusant, j'ai sous les yeux là, la photo du pacte Briand-Kellogg, cette mise hors la loi de la guerre, c'est quand même invraisemblable, qui est exposée au Petit Palais. Il est dactylographié. Ça fait une grande différence par rapport à la plupart des documents qui sont exposés dans ces salles. Alors, pour en revenir au pacte Briand-Kellogg, vous savez, le traité de Versailles, comme vous l'avez dit, n'a pas été ratifié par les Américains. Et évidemment, ça lui enlevait énormément de poids. Et Briand craignait énormément pour la sécurité de la France. Et il a essayé, sur les conseils de Claudel, de Paul Claudel, qui était ambassadeur à Washington, de rattraper les choses, si je puis dire, en engageant les États-Unis à intervenir en cas de problème par un acte bilatéral. C'est ce fameux pacte Briand-Kellogg. Mais alors, les Américains ont élargi sa portée et ils en ont fait une déclaration générale auquel un certain nombre d'autres pays ont adhéré. Lorsqu'on lit, par exemple, vous parliez de Claudel, bien entendu, lorsqu'on lit Giraudoux aussi, bref, les auteurs de cette époque, on se rend compte que la diplomatie faisait quasiment partie de la vie quotidienne des gens. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Évidemment, la diplomatie se fait d'une autre manière. On s'intéresse un peu moins aux documents et un peu plus aux interventions concrètes, si je puis dire. Il y a une évolution de ce point de vue. Alors, il y a une évolution très importante, ne serait-ce que par la forme des actes. C'est ça, parce que pour les personnes qui ont pu aller voir l'exposition ou qui iront la voir, ils seront frappés par l'aspect assez spectaculaire et soigné d'un certain nombre de documents. Peut-être pas les traités eux-mêmes, mais surtout par les ratifications qui prennent parfois la forme de magnifiques portefeuilles de velours avec les armes des pays concernés, des boîtes à sceaux en argent, en métal doré, en or, parfois, avec de magnifiques sceaux à l'intérieur. Évidemment, ce n'est plus du tout le cas. Les actes diplomatiques sont en général, quand il s'agit de traités, au moins pour la France, sur un papier spécial, un papier fileté. mais on constate que la forme se dégrade. Oui, bien sûr. La forme ne fait plus tellement rêver, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai eu la chance, grâce à Richard Boisdin, qui est un des commissaires généraux de l'exposition, d'assister, si je puis dire, dans les coulisses à la préparation de cette exposition, et donc de voir tous ces documents sortir des archives. Il faut expliquer d'où ils viennent, ces documents, déjà, concrètement. Ils viennent des archives du ministère des Affaires étrangères, qui se trouvent dans le nord de Paris, à la Courneuve. Alors, la plupart des documents viennent en effet de la Courneuve, puisque les archives diplomatiques ont déménagé à partir de la fin de l'année 2008, et le déménagement s'est étalé sur plusieurs mois, il a été terminé en 2010. Mais ces archives se trouvaient auparavant au Quai d'Orsay, et depuis l'origine du Quai d'Orsay, c'est-à-dire dans les années 1850. Et la raison en était que Guizot, le ministre des Affaires étrangères, qui avait décidé de la construction de Louis-Philippe, oui. du Palais des Affaires étrangères, était un historien, et il accordait un grand prix aux archives, et il avait absolument voulu qu'elles soient conservées sur place. Et c'était magnifique, entre nous soit dit. Moi, j'ai des souvenirs émus de l'époque où j'étais étudiant. On pouvait consulter ces documents aux Affaires étrangères même. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va aller faire un petit tour, on va aller se promener dans les couloirs du Quai d'Orsay. Que voit-on donc dans cette exposition? Là, j'ai quelques documents, notamment la ratification du traité d'Arras, décembre 1482, traité avec Maximilien d'Autriche, et c'est la signature de Louis XI. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. L'acte de déclaration de l'élection d'Henri de Valois au trône de Pologne. La Pologne, à l'époque, au XVIe siècle, était une monarchie élective, et c'est notre futur roi Henri III qui devient donc le roi de Pologne. Là, on est en mai 1573, et le document en question est littéralement chargé de tous les sceaux des seigneurs qui composent la diète de Pologne. Donc on n'a jamais vu tant de sceaux sur un même document, c'est absolument somptueux. Et puis le traité de Westphalie, le traité signé à Münster en 1648 sous l'égide du cardinal Mazarin. Et puis alors les grands documents que tout le monde connaît, si je puis dire, le traité de Presbourg 1805, la paix de Tilsit 1807, entre parenthèses une occasion diplomatique totalement manquée de la part de Napoléon. C'est quand même merveilleux de disposer de tous ces documents. C'est intéressant d'ailleurs de constater qu'ils ne sont pas aux archives nationales, mais aux archives des affaires étrangères. Pour quelle raison, Isabelle Richefort ? Alors, le secrétariat d'État aux affaires étrangères a été créé à la fin du XVIe siècle. Auparavant, le suivi des affaires diplomatiques était partagé entre les différents secrétaires du roi. Et c'est sous le règne de Henri III, à la fin du règne de Henri III, qu'on a décidé de confier à un secrétaire d'État unique le suivi des affaires étrangères de la France. Alors évidemment, c'était peu de choses, ça se limitait à l'Europe et puis à l'Empire ottoman. Mais à ce moment-là, en Europe, des administrations spécialisées se mettent en place dans la plupart des grands pays pour les affaires étrangères. Et la France ne fait pas exception. Alors, cette administration constitue des archives. Alors, il faut dire qu'auparavant, les secrétaires dont je vous parlais, les secrétaires du roi, avaient l'obligation de verser les grands documents, les grands traités, au trésor des chartes. Mais cette obligation n'était pas toujours suivie. Et petit à petit, les secrétaires d'État des Affaires étrangères ont eu à cœur de conserver leurs archives. Alors Richelieu s'en est préoccupé. Il a pris un règlement en 1625 pour demander aux diplomates de bien déposer leurs archives, les papiers des négociations et les traités aux archives du secrétariat d'État. Et puis l'autre acte symbolique, c'était pris par Colbert de Croissy, le frère du grand Colbert, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères et qui a pris l'initiative de relier les papiers des négociations. Alors c'était un début. Ensuite, les archives diplomatiques ont été dotées d'un dépôt qui était d'ailleurs au Vieux Louvre. Et c'était le début de notre dépôt des affaires étrangères. Les affaires étrangères sont toujours autonomes et ont pour mission de conserver les engagements internationaux de la France. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous avez bien sûr des salles de lecture, vous communiquez la plupart de ces documents, certains sont bien sûr classés, mais vous en communiquez énormément, et c'est un lieu merveilleux pour les historiens, car lorsqu'on travaille sur, d'une façon générale, sur l'Europe du XVIe au XIXe siècle, et même même sur le monde. Il n'y a pas de fonds d'archives plus précieux en France. C'est une mine incroyable, qui est d'ailleurs sous-exploitée, forcément, parce que dorment dans vos kilomètres. Il y a combien de kilomètres d'archives, d'ailleurs? Alors, il faut préciser que nous avons deux centres, l'un à la Courneuve, dont nous venons de parler, qui est le centre principal, où il y a 75 kilomètres linéaires de documents, puisque c'est notre mesure pour l'estimation du métrage des archives. Et puis, nous avons une petite quarantaine de kilomètres à Nantes aussi, au centre des archives diplomatiques de Nantes. Alors, la différence, c'est qu'à la Courneuve, nous avons les archives versées par les services parisiens. Et à Nantes, ce sont les archives rapatriées des ambassades et des consulats. Et très important aussi. Que de travail en perspective pour les historiens du futur. Alors, on parle beaucoup de cette exposition depuis le début de l'émission, Isabelle Richefort, mais on ne l'a pas encore visitée. Nous allons, grâce à vous et en votre compagnie, aller faire un tour dans cette exposition du Petit Palais. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Marché.com. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Oui, Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Isabelle Richefort, conservatrice générale du patrimoine et archives diplomatiques, à l'occasion d'une exposition « L'art de la paix » au Petit Palais, à Paris, visible jusqu'au 15 janvier 2017. Oui, et l'exposition s'est ouverte seulement ce matin, donc nous sommes vraiment, nous vous la faisons visiter, si je puis dire, quasiment en avant-première. Il faut expliquer, Isabelle Richefort, de quoi elle se constitue cette exposition. D'abord, il n'y a pas que des documents et des traités, il y a beaucoup d'œuvres d'art, tout ça est quand même agréable à voir. Alors, effectivement, nous avons bénéficié d'un partenariat avec le Petit Palais, ce qui nous a permis d'enrichir considérablement l'exposition, parce que, comme vous l'avez dit, une exposition... Ça ne montre que des papiers, oui, ça peut être un peu austère, forcément. Une exposition de documents, traités, et puis autres documents, ouvrages de bibliothèque, etc., ça peut être un peu austère. Donc, grâce au partenariat avec le Petit Palais, nous avons pu illustrer ces documents, qui représentent autant de grands moments de l'histoire de France et de ses relations au monde, et puis qui montrent des personnages, des chefs d'État, des diplomates, qui montrent des allégories de la paix. Alors là, on a de grandes peintures, de Coypel, de Simon Vouet, etc. Oui, alors s'il s'agit dans la plupart des cas de peintures allégoriques, parfois nous savons de quel événement il s'agit. Mais parfois, ce sont des allégories de la paix, donc très traditionnelles. Les peintres utilisent en général des dictionnaires allégoriques, l'iconologie de Ripa, par exemple, qui fait référence. Bien sûr. Qui indique comment représenter la paix. Alors c'est en général une femme qui tient une corne d'abondance. On y voit des poutilles, des couronnes de laurier, d'autres ornements. Et ces peintures de style académique finalement ont perduré jusqu'au 19e siècle. Il y a un tableau de Blondel, beaucoup plus tardif. Je n'ai pas choisi tout à l'heure l'évocation du ministère des deux derniers ministères brillants par hasard. C'est que vous parlez de paix, on évoque constamment la paix, on montre des allégories de la paix, etc. Mais soyons tout à fait honnêtes, tous ces traités, pour l'essentiel en tout cas, ne font que régler des guerres et des conflits. C'est-à-dire que la diplomatie est d'abord assise sur la guerre, même si elle vise à la paix. C'est tout le paradoxe, évidemment, de ce métier, de cette discipline. Oui, alors effectivement, les traités de paix concluent des guerres. Oui, cela va de soi, mais pas seulement. Enfin, là, il s'agit pour l'essentiel de traités bilatéraux, mais on s'aperçoit que progressivement, des congrès se mettent en place qui permettent de réunir différents belligérants. Et alors, bon, il y a eu un premier congrès, l'historien Jean-Pierre Bois dit que le premier congrès de paix, c'était le congrès d'Arras de 1435, mais il y en a eu d'autres par la suite, et notamment on fait référence au grand congrès de Westphalie de 1648, qui a été le premier grand congrès européen par le nombre des plénipotentiaires et des diplomates. C'était une vraie conférence diplomatique, en fait. C'était une vraie conférence diplomatique. Et bien sûr, cela a rétabli la paix entre les belligérants, mais cela a permis de mettre en place un autre ordre international, Alors, cela entérinait la fin de la primauté du Saint-Empire romain germanique et cela a mis en place un ordre fondé sur les États-nations et l'équilibre entre les États-nations. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Alors, on entre dans l'exposition par une grande salle consacrée à la paix des princes. Oui. C'est l'époque où la diplomatie se faisait entre cousins, si l'on peut dire, hein, entre les rois, les princes, etc. Voilà, exactement. Et nous faisons allusion, alors le fameux traité de Verdun de 843 entre les qui partage l'empire de Charlemagne entre ses petits-fils n'a pas été conservé, mais nous présentons à l'exposition une chronique de Nithard qui fait allusion au serment justement entre deux des fils de Louis le Pieux, petits-fils de Charlemagne. Et par la suite, donc, il y a cette salle consacrée aux allégories de la paix dont vous parliez, plus artistique, ça, d'une certaine manière. Oui. Les règles et les protocoles de la paix, ça, c'est la façon dont on va mettre en place une diplomatie en tant que métier constitué, avec ses pratiques, avec ses protocoles, d'une certaine manière. Hein, Voilà, alors comme nous le disions tout à l'heure, l'administration des affaires étrangères s'est constituée à la fin du XVIe siècle. Et progressivement, on a assisté à une professionnalisation de la diplomatie. Parce qu'auparavant, le rôle de diplomate était confié à des lettrés, pour la plupart des clercs, des ecclésiastiques. Mais il n'y avait pas vraiment de manière de faire. Enfin, c'était plutôt l'usage. Et alors à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, on s'est mis à codifier tout ça. Il y a eu des manuels pour la négociation. Il y a eu des traités du parfait ambassadeur et il y a eu des... Oui, ça devient un métier. Ça devient un métier. Alors, comme on est au Petit Palais, vous évoquez Paris et la paix, bien entendu. Mmh. Des traités de Paris, il y en a eu beaucoup. Il y a eu celui de 1763 qui est le plus célèbre, mais il y a eu celui de 1814, bien entendu. Celui de 1856 qui, lui, est signé d'ailleurs dans l'hôtel Flambant Neuf du Quai d'Orsay. Vous évoquez justement le rôle de la place de Paris, enfin de la ville de Paris, dans l'équilibre européen, dans l'architecture de cette diplomatie. On a beaucoup, beaucoup négocié à Paris, encore récemment d'ailleurs. Je pense que vous faites allusion aux négociations de la COP21, oui, bien sûr, oui. Qui a été effectivement un des grands succès de la diplomatie française, qui s'est beaucoup investie dans la signature de ce traité. Et bon, ça s'est déroulé au Bourget, mais effectivement, on peut considérer que c'est un accord de Paris. Et c'est une tradition qui remonte pratiquement au règne de Saint-Louis, qui s'attachait à faire venir des représentants étrangers à Paris. Alors, vous évoquez les penseurs de la paix. Il y a toute une salle consacrée aux documents plus récents, bien entendu, hein, ordre et désordre international, appelez-vous ça. Alors là, on voit ce que sont devenus les traités, justement. J'y faisais allusion tout à l'heure, notamment les traités européens, les traités de l'Union européenne, qui sont devenus des espèces de... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? C'est sous la forme de caisses, littéralement, de cartons. Oui, hein. Oui. C'est plus une feuille de traité, là. Ça devient très, très complexe. Un peu comme les contrats à l'américaine, un peu. Alors, nous exposons le traité de Rome de 1957. À vrai dire, nous ne disposons pas de l'original, parce que les originaux sont conservés à Rome, bien sûr. Et nous avons une copie conforme, mais qui est complètement identique à l'original et qui est assez volumineux. Et alors, les traités n'ont cessé d'augmenter en volume au fur et à mesure des élargissements de l'Europe, puisqu'ils sont rédigés dans toutes les langues des pays qui adhèrent à ces traités. Tour de Babel n'est pas loin. Alors, effectivement, les derniers que nous avons reçus sous forme papier se présentaient, comme vous l'avez dit, dans des caisses énormes. Mais alors, depuis peu de temps, nous n'en recevons plus que des CD-ROM, ce qui est un petit peu frustrant pour l'archiviste. Et nettement plus inquiétant pour les historiens du futur, parce que le CD-ROM en question, c'est pas ce qu'il va devenir. Mais enfin, bon, bref, n'insistons pas. Revenons à ce qui fâche moins, si je puis dire. C'est la chambre des trésors de la diplomatie. Alors là, vous avez, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, fort peu diplomatique, mais vous avez sorti le grand jeu, là. Vous nous montrez les plus belles, les plus beaux documents, au sens physique, au sens quasi artistique du mot. Cette fois. Oui, c'est exactement ça. Nous avons voulu partager avec les visiteurs, donc le public qui viendra au Petit Palais, quelques-uns des plus grands et des plus beaux documents de nos collections. Alors il s'agit bien sûr de ratification de traités, mais pas uniquement. On peut y voir par exemple le cartulaire de Christophe Colomb de 1502. Il y avait 4 exemplaires à l'origine et la France dispose d'un exemplaire original. C'est le recueil des titres concédés à Christophe Colomb après sa découverte de l'Amérique. Il y a également de très belles ratifications dans des portefeuilles de velours, vous y avez fait allusion. Cette charte d'or aussi, hein, qui est absolument spectaculaire. Et alors oui, au centre de la pièce, nous avons disposé une lettre, puisqu'il y a aussi dans cette pièce des lettres de souverain. Et alors c'est une lettre du souverain de Thaïlande, enfin de Siam plus exactement, adressée à Napoléon III. C'est une lettre donc diplomatique. Et alors, elle a été restaurée pour la circonstance, parce que moi, je m'étais occupée des traités il y a une dizaine d'années, et à l'époque, on ne parvenait pas à la dérouler, tellement elle était serrée. Donc, nous l'avons fait restaurer, dérouler, et un traducteur est en train de se livrer à une traduction, puisque nous avions une traduction. Le document lui-même est en or. C'est une feuille d'or très mince, et donc c'est un bon exemple du cérémonial diplomatique. Puisqu'il s'agissait évidemment d'être à la hauteur des souverains avec lesquels on était en relation et si possible de les impressionner. En tout cas, c'est une très belle exposition, c'est passionnant. L'histoire est faite, en tout cas les grands repères de l'histoire, ce sont les batailles, les mariages et les traités. Eh bien là, les traités, nous les voyons pour la première fois, on les a sous les yeux grâce à cette exposition « L'art de la paix au Petit Palais ». C'est jusqu'à quand ? On a un petit peu de temps encore, hein, jusqu'au 15 janvier prochain. Bon. Alors dans un instant, je ne veux pas vous lâcher comme ça Isabelle Richefort, je voudrais que nous allions faire un tour ensemble du côté du Quai d'Orsay qui est la maison de la diplomatie française. Au cœur de l'histoire. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dites-moi Franck, vous ne pouvez pas évoquer les trésors de la diplomatie. Je me demandais ce que vous vouliez me demander. Sans parler du Quai d'Orsay, dites-nous tout. Eh bien oui, le Quai d'Orsay c'est une métonymie, hein, c'est le terme qu'on emploie pour désigner la diplomatie française en général, parce que l'hôtel du ministère des Affaires étrangères, le MAE comme disent les initiés, se trouve au Quai d'Orsay. Le Orsay dont on parle, c'était un prévôt des marchands, hein, c'était l'équivalent d'un maire de Paris au XVIIIe siècle, et donc on a construit ce bâtiment entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, puisque le bâtiment a été commencé à la demande de Guizot, comme nous le disait Isabelle Richefort en 1844 et achevé en 1855, alors que le président Bonaparte était déjà devenu l'empereur Napoléon III. Alors ce bâtiment, il a été conçu par l'architecte Lacorné, dans le style de l'époque. Il n'est pas forcément très heureux architecturalement, mais en tout cas, il est grandiose, il est très bien conçu, avec une enfilade de salons absolument magnifique qui donne sur la Seine, ce qui fait qu'il n'y a pas de... On entre par les côtés, si je puis dire, au ministère des Affaires étrangères. Hein. La grande façade, si vous voulez, est parfaitement libre pour laisser cette vue magnifique et ses dépendances. Il y a bien entendu au rez-de-chaussée des salles célèbres. Je parlais tout à l'heure du salon de l'horloge. Il s'en est passé des choses, hein, dans ce salon de l'horloge, Isabelle Richefort. Oui, alors en particulier la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 50, la grande déclaration sur l'Europe, qui est d'ailleurs la date de la fête de l'Europe. Et oui, et puis toutes sortes de congrès, etc. On parlait du pacte Briand-Kellogg tout à l'heure, tout ça est négocié là. Enfin, en tout cas, pour être plus précis, la partie officielle, la partie représentative a lieu dans ces enfilades. Et puis au premier étage, il y a les appartements, et notamment les appartements réservés aux hôtes de la France, car un certain nombre de chefs d'État, c'est un peu moins le cas depuis quelques décennies, mais enfin tout de même, on continue de recevoir au Quai d'Orsay, hein, bien entendu, et on a beaucoup reçu dans les années 30. On continue de recevoir, mais essentiellement pour des déjeuners, des dîners et des réunions diplomatiques. On ne loge plus les hôtes de la France. On ne loge plus, ou exceptionnellement. Oui. Les hôtes de la France sont passés de l'autre côté de la Seine, à l'hôtel Marigny, hein, qui est une annexe du palais de l'Élysée. Et puis, disons-le, depuis quelques années, la plupart des présidents ou chefs d'État préfèrent loger soit dans leur ambassade, soit dans des hôtels, tout simplement. Alors, ces appartements sont absolument somptueux. Ils sont un peu la vitrine de la France. Ils ont une sorte d'ambassade façade, mais située en plein Paris, d'une certaine façon. Il y a notamment, c'est ce que les gens veulent visiter lorsqu'ils viennent au moment des journées du patrimoine, évidemment, il y a notamment ces salles de bain extraordinaires qui ont été réalisées dans le plus pur style art déco et avec un déploiement de faste incroyable pour la visite du roi George VI et de la reine Elisabeth, donc les parents de l'actuelle souveraine britannique, en 1938. 37 entreprises, 1000 employés avaient participé à la réalisation, à la modernisation de ces grands appartements. L'idée de la diplomatie française à l'époque, c'était de garder à elle les souverains et les visiteurs qui passaient en France. Évidemment, la présidence de la République n'avait pas acquis l'importance qu'elle acquérera en 1958, hein, il faut le dire. Donc on gardait en quelque sorte, enfin c'était le ministre des Affaires étrangères qui était responsable des visites officielles. Oui, des visites d'État, oui. C'est le cas. J'ai un souvenir notamment, c'est la visite qu'a effectuée en 1959 le Négus, Selassie, hein, l'empereur d'Éthiopie. C'est une visite qui s'est extrêmement mal passée, tout allait de mal en pis et on venait d'inaugurer, 1959, on venait d'inaugurer au Quai d'Orsay les grands ascenseurs. Et le Négus monte dans le premier ascenseur avec sa suite et l'ascenseur tombe en panne. Puis, on ne sait pas ce qui s'est passé, des ressorts se sont cassés. Enfin bref, l'ascenseur est tombé en chute libre. Tout le monde était à genoux dedans. Il paraît que ça a été un véritable désastre. Ça fait partie des pires souvenirs du protocole. On aurait pu parler du protocole aussi, parce que ça fait partie intégrante de la diplomatie. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Je vous rappelle donc que l'exposition « L'art de la paix » a lieu au Petit Palais jusqu'au 15 janvier. Elle est organisée évidemment avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Et ses commissaires généraux sont Christophe Leribaud et Richard Boisdin. Merci beaucoup Isabelle d'être venue nous raconter la diplomatie à travers les siècles.